casse à toute la vie et qui pense. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 10 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Guillaume, ça vient du germanique signifiant protecteur résolu. Guillaume est un personnage qui possède de multiples cordes à son arc et est très éclectique. Le maître nombre 11 ne supporte pas la médiocrité et ne peut d'ailleurs pas être pleinement vécu avant la maturité au niveau supérieur, c'est-à-dire celui d'un grand homme, entre guillemets. Hein. Idéaliste, humaniste, altruiste, inspiré ou éclairé. C'est en deux qu'il est le plus souvent vécu et en tout cas pendant la première partie de la vie, ce qui confère alors au sujet une grande sensibilité ainsi qu'une forte dépendance par rapport à son environnement familial, affectif ou amical. Guillaume a un sens profond de l'amitié, soyez heureux si vous faites partie des élus. Il est assez difficile d'affirmer qu'il penche plutôt d'un côté de l'introversion ou de l'extraversion avec ses quatre lettres de valeur 3. La communication est relativement importante mais peut, par mécanisme inhibiteur, être bloquée dans un premier temps. En fait, ce n'est pas un homme de demi-mesure et lorsqu'il s'exprime, ce n'est certes pas pour parler de la pluie et du beau temps, mais d'un sujet qu'il passionne. Plutôt intellectuel, c'est un homme de réflexion et de finesse dans l'intuition et dont l'intuition est développée. Mais il ne s'agit pas uniquement d'un penseur, d'un érudit, car il possède une grande énergie, de la combativité, de la volonté et n'est pas dépourvu d'un certain magnétisme. De plus, son agressivité est forte et il ne s'agit pas de l'agacer. Il donne le maximum de lui-même lorsqu'il trouve un sens à sa vie et peut se révéler alors un militant passionné. Dicton du jour, beau temps de Saint-Guillaume donne plus de blé que de chaume. Pas de célébration internationale aujourd'hui dans les événements, je vais y arriver, qui se sont déroulés un 10 janvier. En 1430, c'était la fondation de l'ordre de la Toison d'Or, qui est aujourd'hui l'ordre de chevalerie le plus élevé et prestigieux d'Espagne. 1840, découverte de la Terre Adélie par Jules Dumont d'Urville, c'est une région de l'Antarctique. 1920 avait lieu la promulgation du traité de Versailles. En 1929, l'enseignement secondaire devenait gratuit en France. Et enfin, en 1991, c'était la promulgation de la loi Evin en France relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec Rod Stewart et le titre Baby Jane. Time. Rod Stewart sur RGM, presque 8h38, on parle anniversaire. Ils sont nés un 10 janvier 1942, naissance de Walter Hill, cinéaste américain, réalisateur des films Driver, Les Guerriers de la Nuit, Son Retour ou encore 48 heures, et scénariste et producteur de la saga Alien. 1945, naissance de Rod Stewart, chanteur britannique. 1948, naissance de Bernard Thévenet, ancien cycliste français. Dans les années 70, il a remporté le Tour de France à deux reprises, en 1975 et 1977. Il a remporté 10 étapes de Grand Tour, 9 sur le Tour de France et 1 sur le Tour d'Espagne. Il a remporté 4 courses par étape, le Tour de Romandie en 72, le Tour de Catalogne en 74 et le Critérium du Dauphiné libéré en 75 et 76. Et à noter qu'il a été champion de France sur route en 1973. 1953, naissance de Pat Benatar, chanteuse américaine connue pour le titre Heartbreaker, dont on écoute tout de suite et bien un extrait. Voilà pour l'extrait donc du titre Heartbreaker, interprété par Pat Benatar. On reste en musique avec, en 1958, la naissance de Sean Colvin, auteur, compositrice, interprète et guitariste américaine, connue notamment pour le titre Sonic and Home, dont on écoute tout de suite eh bien, un extrait. Pour Sean Colvin. Allez, on continue. 1964, naissance d'Evelyne Thomas, animatrice télé radio française, connue pour présenter l'émission C'est mon choix. 1967, naissance de Trini Alvarado, actrice américaine, vue dans Les quatre filles du docteur Marsh, dans le rôle de Meg Marsh. Polly le perroquet qui parlait trop, dans le rôle de Marie Althusser, adulte, ainsi que dans la série télé Fringe, dans le rôle de Jessica Loeb. 1980, naissance de Sarah Saï, actrice américaine, vue dans 7 ans de séduction, dans le rôle de Starlet, dans les séries Alias, le rôle de Jenny, The Earl Ward, dans le rôle de Carmen de la Pica Morales, dans la série Life, dans le rôle de Danny Reese, Chicago Fire ou encore Person of Interest, dans le rôle de Samin Shaw. 1985, naissance de Claudio Capeo, chanteur français, découvert dans la saison 5 de The Voice. 1988, naissance de Marvin Martin, footballeur français, qui de 2008 à 2012 a joué au FC Sochaux-Montbéliard, de 2012 à 2017 à Lille, mais pendant la saison 2016-2017, il a été prêté à Dijon et depuis août 2017, il joue pour le Stade de Reims. En 2000, c'était la naissance de Juliette Chappet, actrice française connue pour son rôle de Léonie Gratin dans les films L'élève du Cobu et Les vacances de Ducobu. A noter qu'en 1862, décédé Samuel Colt, inventeur industriel américain, notamment connu pour la popularisation du revolver. En 1971, décédé Coco Chanel, styliste française française, célèbre pour ses créations de haute couture, ainsi que pour les parfums qui portent son nom. En 2005, est décédé le professeur Choron, célèbre humoriste français. En 2006, décédé Philippe Dumas, acteur français de doublage, connu pour être la voix française d'Alec Guinness dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi dans la première trilogie Star Wars, ainsi que celle de personnages d'animation comme Satanas, Gargamel ou encore Balthazar Picsou. En 2010, décédé Mano Solo, chanteur français, dont on écoute tout de suite un extrait du titre « Pas du gâteau ». Il y en avait plein les jardins, il y en avait plein les cours d'immeubles, des petits bambins, des petits parisiens, et même des petits gavroches, les deux mains au fond des poches, qui te matent en coin avec des têtes de petits malins. Alors j'ai dit, allez viens mignonne, allez viens, on en fait un, on le tiendra par la main, tous les trois, on rigolera bien. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots, pour l'heure qu'elle est tout haut. La vie c'est pas du gâteau. Même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi ça me coupe pas l'envie, moi je me dis ouais, pourquoi pas. Je voudrais mordre à pleines dents, dans les jours où c'est un enfant. Voilà pour Mano Solo. Et en 2016, on apprenait le décès de David Bowie, chanteur anglais, qu'on écoutera en fin d'émission. Mais tout de suite, on va écouter Claudio Capeo avec son dernier titre intitulé « Ta main ». Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Y'a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et torpons la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main. Si seules, quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et tordons la sienne et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et tordons la sienne, nous tournerons en rond. Allez ma peine. Donne-moi ta main. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la. sienne et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la sienne, tournerons en rond, elle est ma peine. Donne-moi ta main. Claudio Capeo avec le titre « Ta main » sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h48, on fait un point météo. La météo. Il a neigé hier soir et cette nuit, donc soyez vigilants sur les routes, même si pour les principaux axes, hein, ils sont plutôt bien dégagés. Sur les axes secondaires, il peut y avoir encore de la neige par endroit. Hein, donc soyez très prudents. Sinon aujourd'hui, pas de neige au programme, seulement des nuages. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés ce matin, entre 0 et 1 degré cet après-midi. Pour vendredi, ce sera encore des nuages avec quelques averses de neige à prévoir, des températures comprises entre moins 4 et moins 3 degrés demain matin, entre moins 1 et 0 degrés pour demain après-midi. Et pour samedi, ce sera de la neige qui se transformera petit à petit en pluie, des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin et entre 2 et 3 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file tout de suite au sport. En football, quart de finale de la Coupe de la Ligue et Monaco qui s'est qualifié face à Rennes après la séance de tir au but 8 à 7. Bordeaux s'est qualifié 1-0 face à Le Havre et Guingamp a réussi l'exploit en s'imposant face au Paris Saint-Germain 2-1. En Coupe d'Espagne, 8e de finale aller, match nul pour l'Atlético de Madrid hier soir contre le club de Gérone. En revanche, victoire du Real Madrid contre le club de Leganés. Et on parle de Benjamin Pavard. Il y avait des rumeurs hein, depuis certains temps. Eh bien, on a appris hier qu'il allait rejoindre en juillet prochain le Bayern de Munich pour 5 ans. Un mot de hockey sur glace féminin avec le mondial U18. Et l'équipe de France continue sur sa lancée. Elles se sont imposées hier 4-0 face à la Pologne. Les Françaises qui n'ont toujours encaissé aucun but pour l'instant. Un mot de basket avec les résultats de NBA, l'Utah Jazz de Rudy Gobert affrontait cette nuit l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier. C'est Rudy Gobert qui s'est imposé 106 à 93. 12 points et 14 rebonds pour Rudy Gobert et seulement un petit point pour Evan Fournier. L'équipe de Phoenix de Okobo à 10 points s'est inclinée face à Dallas 104 à 94. L'équipe de Washington de Miami à 6 points et 8 rebonds s'est imposée 123 à 106 face à Philadelphie. Et l'équipe de Boston de Yabusele à 2 points s'est imposée 135 à 108 face à l'équipe d'Indiana. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Sydney où hier Gilles Simon s'est imposé face à Sam Querrey en 3-7, 7-6, 6-7, 6-4. Le Français affrontera aujourd'hui Milman. Et hier à Hobart, Alizé Cornet a pris le dessus sur Pauline Parmentier en 2-7, 6-3, 6-0. Et la Française s'est qualifiée aujourd'hui face à Minen 6-1, 6-4. Et on fait un point sur l'Open d'Australie, hein, ce sont toujours les qualifications. Et alors aujourd'hui, Janvier a été éliminé par Kecmanovic, 6-4, 7-6. Barrère a été éliminé par Montero, 6-3, 6-3. Il y avait un duel franco-français entre Sakhanov et Emery. C'est Sakhanov qui s'est imposé en 3-7, 6-4, 3-6, 6-3. Et côté féminin, Amandine S a été éliminée par Kostiuk, 6-3, 6-2. Et en revanche, Poncher s'est qualifié 7-6, 6-4 face à Krejcikova. Et on termine avec le biathlon. Aujourd'hui, c'est la reprise de la Coupe du Monde à Oberhof avec le sprint féminin. Rendez-vous à 14h30. Vendredi, ce sera le sprint messieurs à 14h30. Samedi, nous aurons donc les poursuites et dimanche, les relais. On en reparlera bien évidemment demain matin pour faire un point complet. Et c'est tout pour l'actu sportive d'aujourd'hui. On va marquer notre dernière pause musicale avec David Bowie et son titre Let's Dance.